C'est lorsque vient le soir que l'aube s'ouvre enfin. Précédant le matin, cette aube est mon espoir. C'est l'aube vespérale, mon grand matin d'étoiles qui vient me délecter au sein des voies lactées. C'est au soleil nocturne qui déverse son urne que je remplis mon seau, puis je monte à l'assaut d'autres constellations où je bois ma ration de rosée galactique, nouvelles Amériques. L'aube du crépuscule n'a pas le ridicule des aubes du matin, et lorsque j'en reviens, tout chargé de mémoire, je remplis mes armoires de magiques riche en moments forts. C'est lorsque vient le soir que l'aube s'ouvre enfin. Précédant le matin, cette aube est mon espoir. C'est l'aube vespérale, mon grand matin d'étoiles qui vient me délecter au sein des voies lactées.